Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la Révolution irlandaise du début du 20e siècle. On nous a marché jusqu'aux casernes militaires dans les villes. Là, nos chefs ont été fusillés. 14, 15. Un autre a été pendu. Nous sommes allés dans les prisons anglaises. Dans la prison de Wandsworth, dans mon cas, à Londres. Et puis, dans un camp d'internement en Pays de Galles. Liam O'Brien à l'émission Caméra 66 en avril 1966. Liam O'Brien a payé chèrement sa participation au mouvement d'insurrection de 1916 en Irlande. L'insurrection de Pâques 1916 marque en fait le début de ce qu'on a appelé la Révolution irlandaise, une révolution qui va se terminer en 1923 et qui va profondément et durablement transformer l'histoire de l'Irlande. Je veux un dossier sur chacun des membres de l'administration britannique. Consulte tout ce que tu peux trouver. Ouzo, Carnet Mondain, rubrique Société dans la presse. Je veux leur nom, leur adresse, leur club, leur banque, et même ce qu'ils prennent au petit déjeuner. Tiens ces dossiers à jour, complète-les chaque semaine. Tom. Tom. Oui. Fais-moi une liste des 12 meilleurs hommes de la division de Dublin, jeunes et sans famille. Pourquoi faire? Pour jouer les 12 apôtres. Allez, au boulot, non, t'as un chien. Toi, Joe, prends une lettre. Mais où est-ce que tu t'es passé? À toute personne concernée. La présente pour vous informer qu'à l'avenir, toute collaboration avec les forces d'occupation sera passible de la peine de mort. Vous aurez été prévenu. Signé l'armée républicaine irlandaise. Tu es sérieux? J'en ai peur. Envoyez-en une à chaque inspecteur. J'ai parcouru leur dossier. Ils en savent plus que nous sur notre compte. Tiens. Regarde, c'est nous. Où est-ce que t'as eu ça? Tu sais comment ils prospèrent, tu le sais. Grâce aux informateurs. Mmh. Sans eux, les Britanniques seraient privés de leurs moyens, paralysés. Imaginez Dublin avec le château comme une enclave. Si tous ceux, je dis bien, tous ceux qui collaborent savent qu'ils seront tués, ils seront incapables de sortir de leur foutu château. Tu vois que je suis sérieux? Il y a juste un problème. Lequel? On serait obligé de les tuer? Extrait du film Michael Collins, réalisé par Neil Jordan en 1997, pour nous raconter l'histoire de cette révolution irlandaise du début du 20e siècle. Je reçois Laurent Colantonio, il est spécialiste de l'histoire de l'Irlande, professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Laurent Colantonio, bonjour. Bonjour Jacques Beauchamp. Alors qu'est-ce qu'elle représente, cette révolution irlandaise, pour les Irlandais, Laurent Colantonio? Qu'est-ce qui reste de cet épisode-là dans la mémoire collective des Irlandais? Bien, beaucoup la considèrent comme la grande matrice de l'Irlande contemporaine, hein, le moment fondateur où se dessine l'émancipation de l'île par rapport à la Grande-Bretagne et où sont déjà aussi en germe les grands problèmes, les grands enjeux qui vont ensuite marquer l'histoire de l'île au XXe siècle et dont notre présent porte encore la trace. Hein. Je pense en particulier à la question d'Irlande du Nord, à celle de la frontière entre les deux Irlandes. Oui. Et qu'est-ce qu'on entend précisément, revenons sur cette période précise, la 1916-1923, qu'est-ce qu'on entend par révolution irlandaise? Alors, disons que cette période, elle est nommée par les historiens, donc révolution irlandaise, parce qu'elle a été marquée par l'enchaînement rapide d'événements majeurs, l'enchaînement rapide de ruptures politiques déterminantes pour la suite. Alors, on va parler de l'insurrection de Pâques 1916, de la guerre d'indépendance entre 1919 et 1921, de la guerre civile ensuite, et aussi de la division donc de l'île en deux Irlandes. Donc les fondements, on y revient, ce que vous disiez un instant. Tout se joue, cette Irlande et cette dynamique à laquelle on assiste encore aujourd'hui, tout ça se joue dans cette période charnière de 1916, qui se situe entre 1916 et 1923. Dans quel contexte prend forme cette révolution irlandaise du début du 20e siècle? Peut-être commencer par nous dire, Laurent Colantonio, où en est l'Irlande au moment où s'amorce justement ce mouvement de révolution? Oui. Alors, début 1914, au début de l'année, les nationalistes irlandais ont obtenu ce qu'ils réclamaient depuis le 19e siècle, c'est-à-dire le home rule, le rétablissement d'un parlement irlandais à Dublin. Mais la Grande Guerre a tout changé. L'application de la loi, de cette loi, a été reportée à la fin du conflit. Et pendant la guerre, il y a environ 200 000 Irlandais volontaires, parce qu'il n'y a pas de conscription, qui vont s'engager dans les rangs de l'armée britannique. Et parmi ceux qui s'engagent, et ça, vu d'aujourd'hui, ça peut paraître un peu paradoxal, mais parmi ceux qui s'engagent, il y a beaucoup de nationalistes, 60% des recrues au moins, qui sont pressés d'en finir avec cette guerre et d'obtenir à leur retour donc le home rule promis par Londres. Mais en marge, il y a aussi une minorité qui refuse de servir dans l'armée de l'ennemi oppresseur, et qui projette au contraire, donc, en secret, un soulèvement armé pour instaurer non pas le home rule, mais vraiment bel et bien la République irlandaise indépendante. Donc profiter de la guerre, pour la faction radicale, profiter de la guerre pour aller encore plus loin et aller vers l'indépendance de la République d'Irlande. C'est en avril 1916 que commence donc cette fameuse révolution irlandaise avec ce qu'on a appelé les Pâques sanglantes. On en parle dans un instant, Laurent Colantonio, mais voici d'abord à nouveau Liam O'Brien qui nous raconte ce qui se passe, ce fameux lundi de Pâques 1916 et comment lui-même a vécu cet événement. J'étais simple soldat dans les rangs de cette armée de volontaires. Le matin de la révolte, c'est-à-dire le lundi de Pâques 1916, je croyais que tout était fini. Je croyais qu'on avait changé d'avis et que l'insurrection projetée pour la veille avait été ajournée. Quand, me promenant dans les rues, avec une canne à la main, sans armes, j'ai trouvé que la révolte avait commencé. Le lendemain matin, ils ont commencé à tirer sur les nôtres qui étaient dans la plaque opposée. Nous n'avions pas de mitrailleuse. Nous ne pouvions pas riposter. Alors nous avons fait la traite dans un collège de médecine. Alors nous avons occupé nous sommes dans ce collège, les toits et les hautes fenêtres avec des tireurs, des francs-tireurs, et répondant aussi bien qu'on pouvait, au feu incessant des mitrailleuses de l'autre côté, mais aussi avons occupé les maisons à côté de ce collège pour étendre la ligne de feu. Ça signifiait faire entrer dans ces maisons et faire des trous, parce qu'il y a un travail lourd, des trous de maison en maison, dans les murs, et barricader et attendre. Nous attendions l'assaut. Le lundi suivant, quand on nous a annoncé que nous allions nous rendre, la reddition, qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai dit, nous n'avons pas commencé encore, la chose n'a pas commencé encore, parce que nous attendions à l'attaque à la baïonnette, n'est-ce pas, qui devait venir. Eh bien, au lieu de cela, n'est-ce pas, les forces anglaises, ils ont pénétré jusqu'au centre de la ville, et puis on commence à faire le tour de la ville, du côté nord, nous étions du côté sud. Alors, puis ils ont bombardé le grand bureau de poste qui était notre grand quartier général. Ils ont incendié cet édifice-là et nos chefs se sont rendus pour toute la ville et pour tout le pays. À nouveau un extrait de l'émission Caméra 66 dans lequel vous entendiez Liam O'Brien. Quelle importance a cette fameuse insurrection de 1916 dans l'histoire de la Révolution irlandaise, Laurent Colantonio? Alors, cette insurrection, elle est d'abord, il faut rappeler qu'elle est le fait d'une minorité et qu'elle est relativement mal organisé, comme on a entendu dans l'extrait. Il y a moins de 2000 insurgés, hommes et femmes. Et là, j'insiste, je dis un mot sur le rôle des femmes, comme infirmières, messagères, mais aussi combattantes, qui ont longtemps été oubliées dans la trame classique du récit national, mais qui était très masculin. Mais bon, il ne faut pas les oublier. Le soulèvement, ensuite, il concerne essentiellement Dublin, où les rebelles vont occuper quelques lieux stratégiques au centre-ville, comme la grande poste de Dublin. Et c'est devant cette grande poste que Patrick Pearse, le leader, le chef, proclame pour la première fois la République d'Irlande le lundi de Pâques, dans la quasi-indifférence de la population. Ça, c'est assez intéressant. La population a très peu soutenu les insurgés, et le soulèvement a plutôt suscité l'incrédulité, voire l'hostilité d'une population qui était globalement restée fidèle à la promesse du Home Rule, qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Oui. Donc les rebelles tiennent, comme on l'a entendu, moins d'une semaine. Le pouvoir britannique a d'abord été surpris, puis ensuite il a réagi, l'armée a bombardé la ville et a écrasé la rébellion. Au total, c'est 500 morts à peu près, mais 500 morts dont la moitié sont des civils qui n'avaient pas pris part au combat. Oui. Et il va se produire un phénomène intéressant qui fait que ces événements de cette Pâque sanglante de 1916 vont rapidement devenir un symbole politique fort, très fort même pour les Irlandais. Alors qu'à l'origine, vous le disiez, au moment où se déroulent les événements, ça passe un petit peu inaperçu. La population est plutôt comprend pas trop ce qui se passe, pourquoi ce soulèvement-là. Qu'est-ce qui fait qu'aussi rapidement, cet événement qui s'était déroulé dans la plus grande indifférence va mobiliser les Irlandais? Alors, c'est d'abord la répression disproportionnée qui suscite l'émotion en Irlande, et pas seulement, hein, dans le monde entier. Dès le mois de mai 1916, les principaux chefs, 15 d'entre eux en tout cas, sont sommairement jugés et exécutés. Mais je crois que l'épisode le plus déterminant pour expliquer la radicalisation de la population, c'est ce qu'on appelle en Irlande la crise de la conscription. Alors, c'est pas la même que celle du Québec, mais quand en 1918, le gouvernement britannique projette d'étendre la conscription à l'Irlande, cette annonce est vécue comme une rupture du pacte qui avait été scellé en 1914. Il y a une campagne d'opposition qui s'organise, elle est même soutenue par les évêques catholiques, et Londres va reculer. Mais le résultat de tout ça, c'est que le parti qui réclame la République et qui se présente comme l'héritier des insurgés de 1916, c'est-à-dire le Sinn Féin, qui veut dire « nous-mêmes » en gaélique irlandais, le Sinn Féin remporte une écrasante victoire aux élections de 1918. Et cette fois, la revendication d'indépendance, elle est véritablement portée par la vaste majorité des Irlandais et des Irlandaises. Donc, qui décident de ne plus se satisfaire de ce fameux compromis qu'était le Home Rule, mais d'y aller pour la totale. Exactement. Ouais. Et ça va conduire donc à la guerre de l'indépendance. Et le 21 novembre 1920 a lieu ce qu'on pourrait qualifier de premier Bloody Sunday de l'histoire d'Irlande. C'est un des temps forts de cette fameuse guerre de l'indépendance qui commence, elle, en janvier 1919. Et aujourd'hui encore, cet événement, le premier Bloody Sunday, reste un marqueur très, très fort pour le républicain irlandais, comme en témoigne d'ailleurs l'extrait qui suit. At 3:15 p.m. on Sunday, November the 21st, 1920, the sun shone over Croke Park, warming the crowd of 15,000. À 15h15, le dimanche 21 novembre 1920, le soleil brille sur le parc Croke et réchauffe 15 000 personnes réunies pour un match de football. Chose rare et précieuse en temps de guerre. Durant la matinée, des rumeurs couraient dans la ville. L'IRA aurait attaqué des hommes durant leur sommeil, car on les soupçonnait d'être des espions. About attacks by the IRA on men in their beds believed to be spies. But Michael Hogan from Grangemouchler, County Tipperary, was thinking only of Frank Burke. Mais Michael Hogan, du comté de Grangemouchler à Tipperary, ne pensait qu'à Frank Burke, le formidable attaquant de Dublin qu'il devait marquer durant le match. Burke avait demandé à son camarade défenseur Bill Ryan s'il pouvait prendre sa place, mais c'était impossible. La veille, Bill avait égaré ses bottes lors d'une bagarre avec des soldats dans le train de Tipperary, et les nouvelles bottes qu'il avait trouvées étaient un peu trop grandes. Michael Hogan était alors allé voir dans son sac s'il n'aurait pas un lacet pour que Bill resserre ses bottes, un simple acte de gentillesse entre coéquipiers dont Bill se souviendrait affectueusement pour le reste de sa vie. A simple act of kindness from one teammate to another, and a memory Bill would cherish for the rest of his life. By 3:25 p.m., Michael Hogan was on the ground beside Frank Burke. À 15h25, Michael Hogan était sur le terrain aux côtés de Frank Burke. Des balles ont commencé à fuser des murs du parc Croke et les policiers ont commencé à charger. Les gens tombaient, abattus, piétinés, écrasés. En 90 secondes, 14 personnes ont perdu la vie dans l'enceinte du parc et dans les rues avoisinantes. Ce soir, 100 ans plus tard, souvenons-nous de ces 14 personnes qui étaient allées assister à un match de football, mais qui ne sont jamais rentrées à la maison. Tonight, 100 years on, we pause to remember them all, the 14 who went to a match and never came home. C'est un extrait de la cérémonie de commémoration qui a été tenue au stade de Croke Park le 21 novembre 2020 à l'occasion du 100e anniversaire du Bloody Sunday du 21 novembre 1920 que vous venez d'entendre. Ce Bloody Sunday du 21 novembre 1920, ça reste l'un des temps forts de la guerre d'indépendance de l'Irlande, Laurent Colantonio. Guerre, je le rappelle, qui a commencé en janvier 1919. Parlez-nous de ce qui se passe durant ce Bloody Sunday et pourquoi c'est devenu un événement si important pour les Irlandais. Alors, ce jour-là, les forces de police, comme on a entendu dans l'extrait, tirent sur les spectateurs d'un match de football gaélique à Croke Park, faisant 14 morts et une soixantaine de blessés, en réponse ou en représailles à l'exécution le matin même par un commando de l'IRA. On l'a entendu dans l'extrait du film Michael Collins. Donc, l'exécution par un commandant de l'IRA le matin même de 12 officiers britanniques supposés être des espions. Oui. Ce sombre épisode là, illustre l'escalade de la violence et le climat de terreur qui règne en Irlande pendant la guerre d'indépendance. C'est en partie pour cela qu'il est autant commémoré aujourd'hui. Au total, cette guerre d'indépendance, elle a fait 1400 morts à peu près. Hein. Elle a débuté, comme vous l'avez indiqué, le 21 janvier 1919, à la suite d'une nouvelle proclamation de la République irlandaise, que la Grande-Bretagne ne reconnaît toujours pas. Et ce conflit a pris la forme d'une longue guerre de guérilla, urbaine mais rurale aussi, qui a opposé d'un côté donc l'IRA, qui a été fondée par Michael Collins, et de l'autre côté l'armée britannique, renforcée par des troupes supplétives qui s'appellent en particulier les Black and Tans, qui ont terrorisé la population. Et tout cela s'achève le 6 décembre 1921, après de longues négociations, par un traité de paix anglo-irlandais, qui est signé et qui donne naissance à l'État libre d'Irlande. Alors c'est un État souverain qui jouit d'un statut de dominion à peu près, avec un gouvernement, un parlement, mais qui n'est pas encore la République, parce que le lien symbolique justement avec la couronne est maintenu. Chaque député irlandais doit prononcer un serment de fidélité, non plus un serment d'allégeance, mais un serment de fidélité au monarque. Ouais. Et qu'est-ce qui fait, en un mot, qu'est-ce qui fait que les Britanniques, entre guillemets, lâchent le morceau, Laurent Colantonio? C'est une guerre qui a été dure, c'est une guerre qui a été sale, c'est une guerre qui a fait beaucoup de victimes. Qu'est-ce qui fait qu'au bout du compte, ce geste, on jette la serviette du côté des Britanniques? Alors, il y a d'abord le ras-le-bol, je dirais, des opinions publiques. Alors, en Irlande, en Grande-Bretagne aussi, hein, la population commence à ne plus... soutenir cet effort de guerre, cette guerre qui n'en finit plus. Hein. Ouais. N'oublions pas qu'on sort aussi de la Première Guerre mondiale. Et puis, il y a la pression internationale, les pressions internationales aussi sur Londres, hein, qui font qu'à un moment donné, les Britanniques acceptent de négocier, mais vous voyez, ne vont pas jusqu'à reconnaître l'indépendance totale, mais acceptent de négocier. Ouais. Et ça aura, cet épisode, un impact considérable sur le plan politique. Toute cette agitation, en fait, dans le Sud va conduire à la partition de l'Irlande à compter de 1920-1921. À quel changement va-t-on concrètement assister à partir de ce tournant important, Laurent Colantonio? Alors, pendant toute cette période, en fait, le nord-est de l'île, en particulier la ville de Belfast, mais pas seulement, hein, le nord-est est resté à part. Pourquoi ? Parce que sa population est majoritairement unioniste, c'est-à-dire farouchement hostile à toute idée de séparation avec la Grande-Bretagne. Et donc, cette population unioniste refuse d'intégrer l'État libre, ce qui conduit, avec l'accord de Londres, hein, bien sûr, à la création de l'Irlande du Nord, une province autonome au sein du Royaume-Uni, dont on commémore le centenaire cette année. Et dans les faits, cette naissance s'accompagne d'émeutes, de violences intercommunautaires, parce que ce nouveau pouvoir local unioniste a littéralement organisé la discrimination légale de la minorité nationaliste et catholique qui vivait sur place et qui est jugée comme déloyale. Donc vous voyez que les troubles des années 1968-1998 sont déjà en germe dès la naissance de l'Irlande du Nord. Oui. Autre élément important, cette victoire des indépendantistes en 1921 va se transformer en guerre fratricide. Ça dégénère très, très bientôt en guerre civile. Guerre civile qui va prendre place en 1922-1923 et qui va finir, c'est quand même incroyable, par être plus meurtrière que la guerre d'indépendance. Oui, tout à fait. Au sud, donc, une partie des combattants... En fait, ce qui se passe, c'est qu'une partie des combattants de la guerre d'indépendance rejettent le traité de décembre 1921. Ils le considèrent comme une trahison par rapport aux idéaux de 1916 parce que l'ultime objectif, la République, n'a pas été formellement atteint. Et donc, ces opposants au traité, unis derrière Eamon de Valera, qui est un des chefs de 1916 qui n'avait pas été exécuté, donc ces opposants vont entrer en dissidence et à partir de juin 22, c'est la guerre civile, qui dure presque un an sur tout le territoire de l'État libre, guerre au cours de laquelle, d'ailleurs, Michael Collins est tué dans une embuscade. Ouais. Et cette guerre civile, comme vous l'avez dit, elle fait plus de morts, elle fait au moins 2000 morts, plus de morts que la guerre d'indépendance, et l'État libre, qui finit par sortir vainqueur, en fait, aura exécuté aussi plus de rebelles en 11 mois que les Britanniques entre 1916 et 1921. Et là, en Irlande, la déchirure est vraiment profonde et durable. Ouais. La période révolutionnaire, cela dit, se termine donc avec la fin de cette guerre civile en 1923. Déchirure, disiez-vous. Plus largement, dans quel état se trouve l'Irlande à la fin de cet épisode de la Révolution? Alors, l'île en sort ruinée moralement, économiquement, matériellement, hein, c'est sûr, avec deux États antagonistes qui coexistent. Au sud va se mettre en place une démocratie libérale qui devient République d'Irlande en 1949, une république très conservatrice, où le poids de l'Église est énorme, où la vie politique va s'organiser pendant des décennies autour de l'héritage de cette guerre civile, justement. Et puis, de l'autre côté, de la frontière de 500 km à peu près de frontière, l'Irlande du Nord, on l'a dit, qui est où règne une situation explosive, où un tiers de la population est discriminée à l'emploi, au logement. C'est un territoire sur lequel les règles de la démocratie politique ne s'appliquent pas. Tout cela pour garantir justement l'hégémonie unioniste sur cette province. Ça va durer jusqu'au début des années 1970. Ouais. Et aujourd'hui, Laurent Colantonio, où en sont les Irlandais avec cet épisode de la Révolution irlandaise, avec ce passé révolutionnaire? Je dirais que depuis 2014, ce passé, il est quand même très présent dans l'espace public. La République d'Irlande est entrée dans un long tunnel commémoratif, hein, les 100 ans de la Grande Guerre, les 100 ans de Pâques 1916, les 100 ans de la guerre d'indépendance, avec une volonté affichée de proposer un récit plus inclusif, une histoire en partage, où tous les acteurs, toutes les actrices trouveraient leur place, quel que soit leur camp, finalement. Et nous entrons, en 2021, dans la dernière phase de cette décennie des centenaires, qui s'annonce assez délicate. Comment commémorer la partition de l'Irlande? Comment commémorer la guerre civile, alors même que l'actualité du Brexit semble avoir un peu rattrapé l'histoire et la mémoire, hein, en remettant au premier plan de l'actualité la délicate question de la frontière entre les deux Irlandes? Comme si peut-être un nouvel épisode allait devoir s'écrire de cette histoire. C'est possible, en espérant qu'il soit un peu moins tragique que le précédent, peut-être. Et plus pacifique, certainement. Oui. Ouais. Laurent Colantonio, toujours un bonheur de vous recevoir à cette antenne. Je rappelle que vous êtes professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, spécialiste de l'Irlande. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.